Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre qu'avancer sans me retourner? Te regarder partir aurait sans doute été pire. Et je te revois sourire moins d'une heure en arrière. Et je me sens bon à rien, à part à te plaire. Ça me suffirait bien si tu t'éloignais pas toujours à la fin. Parce que tu rentres chez toi, qu'est-ce que j'aurais dû dire ou faire pour que tu restes ici? Qu'est-ce que je peux faire de plus que t'attendre comme un zombie? Et j'aurais bonne mine à te téléphoner, alors que je sais très bien que t'es même pas rentré. Reste l'odeur sur ton pull que t'as oublié. J'avais vu mais je l'ai pas dit exprès. Qu'est-ce que tu ferais à ma place pour pouvoir oublier? Pour oublier quoi? Que quand t'es pas là, je me sens tomber. Pour pas t'oublier, toi, non, ça je pourrais jamais. Même si je le voulais ou qu'on me décérébrait, s'il restait plus qu'un mot à mon vocabulaire, y'aurait plus que ton. Pour être à tes côtés, si tu savais comme je flippe à l'idée de te paumer ou de me réveiller en t'ayant juste rêvé. Je me regarde dans le miroir et je vois pas la beauté que je lis dans tes yeux quand tu me regardes. Mais de toute façon, je sais très bien que tu l'as inventé et qu'elle disparaîtrait. Si jamais tu partais, je m'en fous d'être triste car je ressens bien les choses et j'accepterai tout ce que tu me proposes. Je m'en fous de rien faire d'autre que de compter les battements de mon cœur parce qu'il bat bien plus fort maintenant depuis toi. Thank you.